Je veux comprendre. Je veux que vous donniez un sens à ce monde, vous comprenez? Pourquoi ce monde a-t-il besoin de sens? Pour certains, c'est la coke, pour d'autres, c'est le bourbon. Mais toi, tu t'accroches au désastre. Boire n'a jamais été ta drogue, en fin de compte, faut l'avouer. T'es accroché au chaos. Nous sommes tous sur un fil de fer. Tout est question de garder l'équilibre. Comment peux-tu vivre ainsi? J'arrive à vivre avec ma conscience, parce qu'à la fin de la journée, je crois que j'ai fait plus de bien que de mal. Il y a une récompense au bout? Ouais. C'est quoi? Rendre ce truc-là et faire le bien. C'est tout? C'est tout. C'est ça ma récompense. Est-ce là ton opinion de la loi? Qu'est-ce que tu crois que la loi est, Gavin? À ce niveau-ci de la partie, c'est un énorme cercle vicieux. Dieu a peut-être mis deux hommes dans un grand sac en papier pour les regarder se mettre en pièces. C'est comme aller à la plage. On veut aller se baigner, mais l'eau est un peu froide. On n'est pas sûr de vouloir y entrer. Et il y a cette très belle femme à côté. Elle non plus n'ose pas entrer dans l'eau froide. Elle vous voit. À ce moment-là, on sait qu'il suffit juste qu'elle dise son nom pour qu'on parte avec elle. Pour qu'on laisse sa vie. Qu'on laisse tout tomber. Et qu'on quitte la plage avec elle. Et longtemps après, il nous revient en mémoire. Pas tous les jours, toutes les semaines. C'est comme un mirage. Un doux souvenir qui revient nous dire qu'il y avait une autre vie qui nous attendait. C'est ça, une suite de choix que l'on regrette des fois, qui font notre histoire triste, heureuse ou les deux à la fois. On cherche un sens à nos vies, entre nos envies et nos vices. Avoir une fille ou un fils et l'éduquer ainsi, mais le monde est nocif. La vie n'est belle que si tu le crois, porter sa croix. Chacun sa voix et le malheur s'accroît. On chute trop souvent, trop d'obstacles, trop d'ennemis qui nous traquent. Et c'est ta mort qui devient un spectacle. Affronter la vie qui nous sourit mais nous crache au visage. Et le voisin, on tire dans les pattes, rien devient mauvais présage. Méfiant jusqu'à suspecter un frère, bienvenue en enfer. Fais comme tous les autres et serre la patte à Lucifer. Détruit tous par les regards, les mots et les gestes. Et comme on n'y croit plus, on fuit la paix comme la peste. Chaque minute qui passe nous vieillit d'une heure. Les visages sont marqués dans les yeux, plus de lueur ni d'espoir, plus de changement d'humeur. Le cœur est froid, rongé par un mal qui nous bouffe, une tumeur. Et tous on en souffre à s'habituer au mal. Un jour on tombe dans le gouffre. Si tu lui en donnes pas, ta vie n'aura pas de sens. Faut s'accrocher, rester fort, rester debout. Et ce dès la naissance. Lutter contre soi, contre les autres. À chaque fois, chaque matin, chaque soir. Ne pas regretter et bannir autrefois. Tes erreurs ne te feront pas de cadeaux. Évite-les au plus tôt. Reste en guerre avec toi-même. Et toi ton côté noir à dos. Organise ta survie. Reste avec les vrais, les autres n'en parlons plus. Tu les aimes moins, lui t'aimes pas non plus. Y'aura personne pour te tendre la main. Mais ils seront là pour te pousser. Faudra te relever et pas seulement ce coup-ci. Si t'es trop bon, tu te feras bouffer. Les autres vont t'étouffer. Ils t'écraseront sans pitié, n'en feront qu'une bouchée. Ils te pousseront à bout pour enfin te tendre la corde. Ils te la mettront même autour du cou si tu n'es pas d'accord. Ils riront de tes faiblesses, joueront de tes défauts. Ils ruineront tes efforts, ça te fera du mal. Et ouais, je sais, c'est chaud. La vie c'est dur, oublie les contes de fées, les histoires. Et passe-toi sur les faits, zappe tous ces faux. Et passe-toi sur le vrai. Avance doucement, mais n'oublie pas que la mort t'attend. Sois toujours partant, mais finis pas. Un flingue sur la tempe, deviens quelqu'un de grand. Même en partant d'en bas, sois sûr de toi, de tes pas. Car une chute peut causer des dégâts. Si tu lui en donnes pas, ta vie n'aura pas de sens. Il y est ton frère, trop lâche qu'a préféré se brûler à l'essence.